Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea, servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. Je suis très content à partir de cette semaine, très très content de reparler de football. Et on sait qu'on a un volet NFL, on a même un volet NCAA, on commence à parler de la Ligue canadienne avec notre ami Pascal Masson. Encore une fois, ce n'est Pascal qui a accepté encore de collaborer avec nous. Salut Pascal! Salut Dan! Très content encore de que tu collabores avec moi pour parler de la Ligue canadienne et des Alouettes. Et on va de temps en temps parler de la NFL s'il y a une grosse nouvelle d'ici à ce temps-là. Je suis très, très content. C'est toujours le fun de parler de football avec toi. Ben, c'est réciproque. Merci beaucoup de l'invitation encore une Pascal, fois. Pascal, je veux te parler d'abord... on va parler de la NFL au départ, mais au Canada. T'as-tu été surpris de voir qu'il y aura un match Raiders-Packers à Winnipeg? Moi, je suis dans un stade de 30 000 personnes. Je suis vraiment tombé sur le derrière, moi. C'est sûr que c'est surprenant, compte tenu de la grosseur de la ville, du stade, etc. Parce qu'on en a vu en Toronto des matchs de la NFL, ouais, malgré le fait que les Argonauts sont là. Mais c'est sûr que c'est peut-être surprenant, mais en même temps, pourquoi pas? Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à l'équipe des Blue Bombers. Puis ça va être intéressant pour les fans de foot de pouvoir accueillir de la NFL chez eux. Mais je suis effectivement surpris de la tournure des événements. Mais c'est là qu'on voit qu'on n'est pas là pantoute, hein? C'est incroyable quand tu vois ça, là. Winnipeg, qui a un match pré-saison, puis Montréal, on n'en parle même pas. Il y en a déjà eu des matchs des Bombers, des matchs pré-saison. Je me rappelle d'un match entre les Pats. Dans le temps que les Pats n'étaient pas terribles, c'était au début des années 90. Je me sens qu'ils avaient joué contre les Jets de New York. Mais depuis ce temps-là, ils sont jamais revenus. Tu sais, puis il y a un match à Winnipeg. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas là pantoute, là. Ben c'est sûr que dépendamment de l'approche du côté peut-être plus du maire de la ville de Montréal, là, de la mairesse, ouais, je sais pas c'est quoi le développement ou le lien qu'il y a avec celui du côté de Winnipeg, mais c'est tout ça dépend toujours des connexions, là. Comment tu trouves le dossier de la vente des Alouettes? Moi je trouve ça plus, tu sais, il me semble tout ce qui traîne se salit, puis là ça commence à devenir ridicule. Ben c'est tellement chaotique comme dossier, je veux dire. C'est tellement chaotique que j'en ai presque perdu l'intérêt de le suivre. C'est comme, tu sais, à un moment donné, t'as une espèce d'effet roman savon là où lui il dit ça, puis c'est peut-être ci, puis c'est peut-être ça. Je te dirais que moi, c'est sûr que j'avais un gros intérêt, particulièrement au fait que mon bon ami Éric Lapointe était impliqué dans les discussions. Je trouvais ça super le fun. Après ça, c'était plus lui, c'était un autre. Et là, il y a eu plusieurs personnes impliquées. Après ça, c'était même plus ces personnes-là. Là, t'as Guzzo qui est rentré là-dedans. Puis finalement, c'est pas Guzzo. Puis c'est comme les dernières rumeurs, c'est qu'on essaie de former un club étoile d'acheteurs pour pouvoir mutiler, en tout cas. Là, je vais te nommer deux gars que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Je sais pas, je vais essayer de... sortir. Deux gars, c'est Joe. Il s'appelle Joe Poulin puis Patrick Pichette. Ouais. Tu sais, on est rendu là. Tu sais, il me semble qu'Éric Lapointe, honnêtement, là, on sait pas toute l'histoire, là. Mais si tu veux ramener le sérieux dans cette organisation-là, me semble que c'est Éric Lapointe, le gars. Ben écoute, et encore une fois, là, c'est sûr que là, moi, je vais prêcher pour ma paroisse parce que j'ai un parti pris pour Éric, ça c'est sûr et certain. En plus que c'est un fin connaisseur des finances, là, ayant lui-même sa propre business. L'ayant prouvé dans les années passées, ça c'est sûr. Bon, là après ça, il y a le côté risque et financier de l'implication de l'investisseur. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'Éric étant justement très, très avancé dans l'analyse de ce dossier-là, il est prêt à donner un certain montant ou à investir d'une certaine façon, mais pas pour se mettre à terre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui, eux, bon, je sais pas, ont moins cette crainte-là. Mm. Bon, tu sais, c'est ça, on n'a pas le nez dans le dossier exactement. Cependant, bon, tu sais, il y a Éric Lapointe, mais il y a également Guzzo qui avait, selon moi, on avait quoi d'intéressant à ce niveau-là. Il n'y a peut-être pas l'expérience sportive comme propriétaire de club, mais je suis convaincu que ça aurait pu être une occasion assez importante pour les Alouettes. Mais là, c'est le commissionnaire de la CFL qui s'en mêle. C'est spécial. Hein? Tout ce qui traîne, c'est sali, hein? Ah, c'est l'expression prend tout son sens. Mais effectivement. Là, je sais pas ce qui va arriver. Penses-tu que ça peut se faire durant la saison? Parce qu'on parlait, que durant la saison, on oublie ça. Mais là, la saison ouvre la semaine prochaine. Moi, j'aime mieux plus rien penser. Ouais, hein? Parce que c'est tellement drôlement géré que tout peut arriver. Mm. Tu sais, j'ai presque l'impression que ça pourrait arriver une semaine avant les séries, là, tu sais. C'est spécial, vraiment. Comment tu penses ça, vous? Hey boy, j'ai vraiment pas ces connaissances-là pour te le dire, là. Okay. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les propriétaires l'an passé ont perdu tout près de 10 millions, là, ce que je comprends. Ouais. Donc là, tu sais combien ça vaut quand dans une année tu perds 10 millions, pour moi ça vaut pas tant là. Mais non. 14 000 personnes hier avec tout ce qui se passe. Mais j'ai trouvé ça bon, moi. Ah ouais, hein? Écoute. Avec tout ce qui se passe là comme histoire. Parce que c'est pas. Je me pose la question, c'est pas bon, là. T'sais, ce qui se passe, c'est le meilleur marketing. Quand t'as le pire directeur général d'histoire des Alouettes, d'histoire du sport professionnel, puis tu l'as pas congédié, comment veux-tu ramener l'espoir? Puis c'est de l'espoir que tu veux, là. Puis, tu sais, bon, toi, tu as trouvé ça possible hier, mais il ne faut pas oublier non plus. En plus, c'était contre Ottawa, là. Ouais. Ottawa, qui est pratiquement une équipe de Québec, tu sais, ouais. Avec les nombreux Québécois qui étaient impliqués hier dans le match. C'est ça, là. Si cet affrontement-là n'est pas en mesure d'accueillir plus de monde, imagine quand. Quand Saskatchewan va se pointer au stade. Là, au mois d'octobre, dans une journée froide, les Alouettes un dimanche après-midi, quand il fait froid, puis les Alouettes vont avoir un dossier de 3 victoires à 12 défaites. Comment t'as trouvé le match hier? Écoute, j'ai trouvé ça le fun de voir différents joueurs performer. J'aime bien... l'arrivée de Vire Posey. Oui, c'est le cas. Ça, c'est le receveur de passe. Le receveur de passe. Qui pourrait être un bon deuxième, semble-t-il. J'ai bien aimé également des jeunes joueurs. Là. On a vu Quan Bray là, qui a démontré des belles choses. Dante Absher aussi. Comme le groupe de receveurs jeunes. Puis moi, je me dis, tant qu'à ça, tant qu'à avoir un groupe de receveurs un peu... questionnable. J'aime aussi bien avoir de jeunes joueurs comme Brip et Absher qui ont montré de la fougue hier. J'aime quand même la bataille qu'on a au poste de corps. On n'a pas l'équipe encore une fois cette année là, malgré ce qu'on peut espérer, rêver ou voir. On n'a pas, selon moi, là, des éléments pour rivaliser avec les meilleurs clubs. Mais l'Est est tellement faible. L'Est est faible cette année. Puis, ce que j'étais vraiment déçu, c'est sûr qu'au niveau du jeu au sol, ça m'a inquiété. Bon, c'est sûr que leur plan de match n'était définitivement pas dessiné hier pour exploiter le jeu au sol. C'est correct. Les matchs hors concours, c'est fait pour ça. C'est fait pour cibler des portions du match, des portions de la game que tu veux évaluer. Puis ce qu'on voulait mettre de l'avant, De ce que moi j'ai compris en regardant le match, c'est qu'on voulait voir nos corps. Ouais. Mais même à ça, lorsqu'on regarde le nombre de passes lancées par chacun de nos corps, contrairement à Ottawa, ils ont eu ont eu beaucoup plus d'occasions d'évaluer leur carrière. T'sais, on a 43 passes de lancées d'un côté, puis on en a 29 de l'autre côté. Puis ouais. 29, c'est les Alouettes. Ça. Donc, on aurait voulu voir Antonio Pipkins un peu ce qui se passe avec. 10 passes de lancées. Vernon Adams, 6 passes de lancées. C'est dur d'analyser dans ces moments-là. Puis c'est un camp d'entraînement, deux matchs pour une bataille. C'est très dur. Là. C'est très court, je veux dire, ce que je veux dire. Puis tu sais, ben j'ai aussi défensivement, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a créé des revirements et on a créé aussi de la pression sur le corps adverse. Ça, j'ai bien aimé ça. Ouais, effectivement. Mais la ligne à l'attaque, c'est tellement important. Ben c'est le point que j'ai le plus gros point d'interrogation, c'est la ligne à l'attaque. Ouais. Et pour moi, c'est on manque de profondeur avec ce que moi j'ai vu dans les deux premiers matchs pré-saison. On manque de profondeur, puis notre starting five là, et pas nécessairement la crème de la crème. Cependant, on peut espérer être chanceux de pas avoir de blessures puis créer une cohésion importante à ce niveau-là. Mais il faut pas. C'est parce que quand il faut commencer à bouger Christian Matt, faut commencer à bouger des joueurs qui sont à l'aise à des positions, c'est là que pour moi ça devient encore plus épeurant pour les Alouettes. Mais si on peut être chanceux, puis veut pas, les équipes qui performent année après année ont également un peu de chance. Là c'est tellement faible que c'est hein. Effectivement. Pascal, un gros merci, on se reparle bientôt. Ça fait plaisir. Notre ami Pascal Masson.